gotta understand, I'm walking in the shadow of the blues. Yeah! 15h53 minutes sur le 95 FM, et oui, on a la bourre. Toutes mes excuses d'ores et déjà à vous, auditeurs et auditrices de RQC sur le www.rqc.be. L'émission Rock the Nations commence avec un peu de retard. Bah oui, c'est ça quand on a oublié les clés. Encore une fois, toutes mes excuses, et puis bah on va rester un peu plus longtemps, bien sûr. Les deux heures d'émission auront bien lieu et on dépassera allègrement. On a commencé l'émission avec le Hard Blues de Whitesnake en 1979. L'album Love Hunter et le standard Walking in the Shadow of the Blues. À l'instant, en 1980, l'année suivante, Marauder, l'album de Blackfoot, avec également le classique Too Hard to Handle. Aujourd'hui, émission spéciale, les membres de Abigail sont dans les studios pour nous parler de leur premier album Electric Lady, sorti en avril dernier. On aura de beaucoup de choses à se dire. Mais on repart en musique avec Ross Tattoo en 1984, l'album Southern Stars et le morceau du même nom. A tout de suite. We'll be right back. Yes, les amis, yes. Double dose de Rostatou avec tout d'abord un extrait de l'album de 1984, Southern Stars, et le morceau d'ouverture. Et à l'instant, Sleeping Away, extrait de l'album de reformation paru je ne sais en quelle année, mais en tout cas, on va pouvoir m'aider. Bonjour, messieurs. Bonjour, Bruno. Salut, Bruno. Salut, Bruno. Donc, salut, Bruno. Vous allez bien? Ah oui. Très bien. Je vous remercie. Journée. Merci d'avoir patienté. Hein, vraiment. Vous êtes des anges. Merci à toi de nous accueillir. Alors, Rostatou, c'était le choix de Pascal, n'est-ce pas? C'est extrait de l'album Blood Brothers, hein, n'est-ce pas? Blood Brothers, qui doit être l'album de reformation. 2005-2007, j'hésite un petit peu. Je penche plutôt pour 2007, mais je ne suis plus sûr de la date de sortie de cet album-là. Oui. Ouais, l'Australie, alors, donc on est là pour parler de hard rock. On est là pour parler de votre groupe Abigail. On va repartir en musique et on se retrouve dans quelques minutes pour l'interview. D'accord ? Ça marche. Avec plaisir. Et on repart avec les Black River Sons. Une nouveauté, j'ai reçu ça jeudi. Extrait de leur CD 5 titres. On va s'écouter le morceau The Fixer. Et cet extrait de ce CD Run Like Hell. Living a dream of dust is run down boots. when you're near. You know we could stop the world. If I'm wrong, then alright. You know it doesn't matter now. In my heart, you are mine. You know we're gonna make it somehow. You know we're gonna make it somehow. Yes, les amis, Dokken, premier album solo de Don Dokken en 1990, Up From The Ashes, suite au split de Dokken. Mr. Don Dokken s'entoure d'un line-up de tueurs, Mickey D à la batterie, Peter Baltes à la basse et John Norum à la guitare pour ce premier album dont on a extrait le morceau When Some Nights. On part en Espagne avec un 6 titres que j'apprécie énormément. Les Espagnols nous viennent de Madrid, Maverick. Ce mini-LP s'appelle... Break It Up et le morceau d'ouverture You Must Come With Me, Maverick. Yes, les amis, Rat, leur tout premier mini LP, 6 titres parus à l'origine sur le label Time Cost Music, édité en Europe chez Music Foundation en 1983. Premier album auto-intitulé, c'était le morceau You Think You're Tough. Dans quelques minutes, on retrouve les membres de Abigail pour l'interview consacrée à l'enregistrement et la promotion de leur tout premier album Electric Lady, paru en avril dernier. Mais là, on part avec l'album du mois qui n'est autre que le premier album de John Norum en solo en 1987, Total Control, et le morceau d'ouverture Let Me Love You. Rock the Nations, l'album du mois. Just like a thousand times before. rock, I'm just a rock. Yes, Rock and Roll Man, les membres de Abigail sont dans les studios pour nous parler justement de ce titre et plus particulièrement de cet album, premier album sorti au mois d'avril dernier, Electric Lady, une autoproduction 12 titres, un album hautement recommandable, et l'interview avec les membres de Abigail commence dès maintenant. Bonjour à vous messieurs. Bonjour, bonjour Bruno. Salut Bruno. Donc, bonjour Bruno. Luc à la guitare. Bonjour. Guillaume à la deuxième guitare, Bertrand au chant et Pascal à la basse, n'est-ce pas messieurs? Tout à fait. Je voulais vous remercier pour votre album et également pour le concert de jeudi dernier qui a eu lieu au Petit Théâtre de Lens, n'est-ce pas? Oui. Ça s'est bien passé pour vous? Je pense super, que oui. Super conditions d'accueil, super organisation. La ville de Lens et le Colisée avaient fait appel à nous il y a de ça bientôt un an. Ils voulaient élargir leur programmation à quelque chose d'un peu moins connu pour le large public, on va dire, donc le gros rock, le hard rock, voire le métal. Donc ils ont ouvert leur saison culturelle 2016-2017 à une programmation rock, dont notre concert, quoi, qui était programmé au Petit Théâtre, effectivement, sous la médiathèque. Et donc c'était une première expérience pour eux et une très bonne expérience pour nous. On a été accueillis par des gens sensationnels au niveau de la technique. On est tombé sur des techs super gentils, serviables, enfin bon bref, qui nous ont mis dans les meilleures conditions possibles. Des conditions de jeu excellentes, un très bon son et donc voilà, super soirée. Et donc c'était le premier concert de votre nouveau batteur? C'était le premier concert de Sullivan qui nous a rejoint dernièrement. Donc pas évident pour un baptême du feu. Bon voilà, c'était une première expérience et ça a été. Ça a été. Oui, oui. Je pense, oui, oui, je confirme. Oui. Il a eu à apprendre tout un répertoire, il a appris en un mois, n'est-ce pas? Oui, une vingtaine de morceaux, même un peu plus. Ouais. Ouais, il y avait effectivement une vingtaine de morceaux, hein, puisque... Ouais, ça se décompose à peu près comme ça. Il y a 18 compos, je pense. Enfin, à la volée. 19. Je parle pas des nouveaux, hein, les amis. Ça, on en reparlera après. Et tout à fait. Plus quelques reprises. Donc, je me mets à sa place, puisque Guillaume et moi, on a un petit peu le. Parce que nous, on a un an de recul, on va dire. On a eu la même sensation et la même expérience à vivre. C'est-à-dire qu'il a fallu rapidement apprendre les morceaux. Moi je me rappelle du premier concert perso avec le pupitre, c'est un truc dont j'ai horreur, mais bon, il fallait absolument, pour pas perdre le fil conducteur, d'avoir des repères. Bon, puis après j'ai eu la chance de travailler énormément, c'est du plaisir, hein, avec mon ami Guillaume qui m'a expliqué, puisque c'est lui qui fait les textes, il va te dire pourquoi après. Donc on a travaillé la prononciation, le sens des paroles, et puis surtout de savoir de quoi tu parles, parce que sinon ça ne sert à rien dans l'interprétation. C'est plus du tout la même chanson. Donc tout ça pour dire que c'était pas évident pour Sullivan, effectivement, de se fader 20 morceaux en un mois, et puis baptême du feu, en plus devant pas mal de copains, donc la pression, qui n'était pas uniquement dans le verre. Bon, bah, voilà, ça c'est le premier jeu de mots pourri de la journée. Mais c'était bien, je vous remercie encore. Merci. Un bref historique du groupe, le groupe s'est formé en quelle année? Vous avez sorti un premier EP également? Été 2010, ouais. Création été 2010, premier EP juin 2014. Donc entre ces deux dates, pas mal de changements de line-up au sein du groupe pour chercher un petit peu nos marques. On les a trouvés, on a trouvé notre créneau au départ quand le groupe a été créé par monsieur Luc ici présent. On se dirigeait vers de la compo, mais c'était au départ surtout un set composé de reprises et quelques compos, et puis il y avait la volonté de se diriger uniquement vers un groupe de compo. Donc on a travaillé pendant pas mal de temps avec un changement de personnel. Donc premier EP 2014 et puis de nouveau quelques petits soucis de line-up. recherche de musiciens, de gens voulant bien nous supporter. Et puis on est tombé sur Bertrand et Guillaume. Et tout se passe merveilleusement bien. Donc ça a stabilisé le line-up. Donc le noyau dur, c'est Luc et Pascal. Oui, on peut dire ça, oui. La base du groupe. Bah, oui, 2010, oui. Oui, donc on est les plus anciens, quoi. Les plus vieux, on est les plus vieux. Dans, ah oui, voilà, dans le groupe uniquement. D'être les plus vieux. Dans le groupe uniquement. Voilà, et donc line-up stable, avec un noyau dur composé de mes deux amis ici présents, Yom et Bertrand, avec une très très grosse implication dans tous les projets, tout ce qui concerne la vie du groupe. C'est un plaisir. C'est un plaisir d'être dans ce groupe avec des gens comme ça. Et de partager ces choses-là ensemble. Ça se ressent, ouais. Sur scène, ça sent la joie de, et le plaisir de jouer. Voilà, c'est un vrai groupe. On espère. Un vrai groupe. Les influences. Oula, me semble évidente, mais il est bon de le rappeler aux auditeurs. Qu'as-tu trouvé comme influence, Bruno ? Vas-y. Il y a de tout. Il y a de tout. C'est un hommage au rock'n'roll, au hard rock'n'roll que vous aimez, je pense. Donc ça va de AC/DC à Whitesnake, je pense. Bien sûr. On a pu écouter Rostatou, enfin, les grands classiques dans le genre. Tout à fait. J'ai oublié quelques noms. Non, je te remercie d'avoir répondu à la question que tu viens de poser. C'est la question que tu m'as posée. Oui, je l'ai retournée. On va revenir sur l'enregistrement de Electric Lady. Ça s'est passé comment ? Sur une très longue période. T'as 2 heures à nous consacrer. Voilà, c'est ça. Mais totalement, mais on est à la bourre, donc on peut déborder, il n'y a pas de souci. Les premières pistes de batterie ont été enregistrées en octobre 2015, donc en fait un an et demi avant la sortie de l'album. Donc première piste de batterie, octobre 2015. Puis progressivement, enfin, on est entré en studio. On voulait, là, on en reparlera peut-être après. On voulait avoir pour cet album une grosse production. On estimait que c'était obligatoire et incontournable quand tu veux programmer quand tu veux chercher des choses intéressantes, démarcher des choses intéressantes, faut avoir sous la main un produit entre guillemets, un produit qui soit de qualité au niveau des compositions et puis également avec le son qui correspond. Donc on s'est tourné vers le studio pour les batteries, pour les voix, pour les rythmiques également. Il y a un certain nombre de choses qui ont continué à être faites maison, notamment les lignes de basse, les basses, les solis. Mais on voulait s'adresser à quelqu'un qui puisse nous sortir un album avec un gros son. Donc on est allé au Hangar à son à côté de Cambrai, à Proville. Et oui, donc c'est une grande période. On a commencé à enregistrer les voix, et puis je parlais tout à l'heure du problème de line-up. On a dû se tourner vers un autre chanteur. Puisque le nôtre nous a entre guillemets lâché au milieu des enregistrements voix, donc ça a été compliqué. On est tombé avec beaucoup de chance sur Bertrand par l'intermédiaire de Gilou, notre manager. On a rencontré Bertrand, avec qui ça l'a fait tout de suite. Donc il a fallu à Bertrand, comme il disait tout à l'heure, s'approprier toutes les compos, apprendre les compos, apprendre, travailler avec Guillaume pour la prononciation, avec le placement. Enfin, ça représente un travail de fou ici à Attelé, et puis il est entré en studio la première fois pour lui, et pour enregistrer les voix d'Electric Lady. Donc c'était très très loin d'être évident. Et donc mix mastering, donc un an et demi entre les prises batterie et la sortie de l'album. Bertrand, tu avais testé les morceaux sur scène avant d'entrer en studio ? Oui, j'avais je salue d'ailleurs Christophe par SMS, qui me disait « Ah non, jour pour jour après le premier concert à l'Homme », et il me dit « Non, c'est le 3 juin ». Donc on te fait un grand coucou, Christophe. Oui, effectivement, il y a eu 3 concerts, il me semble, puisque c'était l'Homme Strazel 2 jours après, et Bredune. Bredune qui correspondait alors pour le coup à l'arrivée de Guillaume. Et puis, il me semble qu'après c'était Feu en avant Guingamp, directement chez Bertrand, que je salue également. C'est un monsieur avec qui j'ai beaucoup appris, il reste beaucoup bien évidemment à apprendre. Mais bon, c'était pas mal comme baptême du feu. J'ai pas fait le mariole, parce que dès la première ligne vocale, Bertrand t'arrête en disant bob bob bob bob, t'es en avance, ou alors t'es faux, le frein à main. Bref, c'était une. Et dès qu'il y a un truc qui passait au niveau, au niveau de la structure, il y a Guillaume qui faisait non, là tu parles en moldave, donc c'est pas bon, on l'a refait. Donc oui, on l'avait testé, avec beaucoup de répètes, bien évidemment, bien évidemment. Et puis ça a été le. Jeté dans le grand bain tout de suite, sans la bouée, mais ma foi, bon, au final. Bon, il y a pas mal de... Heureusement que la technique fait que, parce que sinon... Hein... Mais bon, c'est pas... Non, en fait, je raconte des bêtises, j'ai tout fait d'un seul coup. J'étais du one-shot. Non, non, j'ai du mal à y croire. Mais l'album, vous en êtes satisfait, c'est conforme à ce que vous vouliez... Vous attendiez ? Oui. Vous oui, retournerez oui. au hangar à son. Vraiment, donc. Alors, oui, oui, après se poser des questions qu'on s'est posées sur le moment, incontournables, les questions financières. Puisque entrer dans un studio de cette pointure, ça nécessite un certain nombre de. Enfin, ça a un coût. Donc, dans notre réflexion future, même si on est hyper content du résultat de la production de l'album, se posera inévitablement pour l'éventuel second album des questions financières. Ça représente un investissement conséquent. Donc, il y a cet aspect-là des choses à ne pas négliger. Mais sur le travail de fond, travail en lui-même et le son, oui, sans aucun souci. Eh bien, écoutez, on va repartir avec un extrait de cet album. Donc, l'album Electric Lady, paru en avril, n'est-ce pas ? Oui, oui, fin mars. Fin mars, début avril. Fin mars, début octobre. Donc, extrait de cet album, 12 titres. On s'écoute le morceau Gimme Another Shot. We'll be right back. 16h45 sur le www.rqc.be. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Rock the Nations en compagnie de Brouillot. On est ensemble pour encore une bonne heure avec les membres de Abigail qui sont également dans les studios pour parler de leur album Electric Lady. Tout va bien, messieurs ? Oui, très bien. On passe un bon moment, on est bien, Tintin. Oui, c'est le bonheur. N'est-ce pas ? on va parler de votre équipe parce que vous avez une petite équipe. Abigail, ce n'est pas que 5 musiciens, il y a pas mal de monde qui vous suit. Ouais. Vas-y. D'accord. Dans les buts, Guillaume Varmuse. Guillaume, vas-y. Non, on a la chance d'être épaulé sur nos prestas par Christophe qui s'occupe du son. On a Gigi, on les salue bien évidemment. Ils nous écoutent. On sait qu'ils nous écoutent. On a Gigi qui a la vidéo. Et puis on a le patron, notre manager, Gilles Legrand, qui s'occupe de nous, voilà, pour ainsi dire. Le manager. Sans oublier Jeannot qui s'occupe du site et qui réagit au quart de tour quand une info est balancée sur le net. Il la met directement sur le site www.abigail.fr. Alors, où peut-on se procurer votre album ainsi que tout ce qui est merch ? Donc sur le site, comme vient de dire Luc, www.abigail.fr. L'album disponible donc sur ce site, on a une page merch, également via notre page Facebook Abigail the Band, et puis directement en concert puisqu'on est en autoprod, et qu'il est de plus en plus difficile de se retrouver dans les bacs de structures, pour ne pas les citer, hein, comme la FNAC, Cultura, etc. Voilà, donc on se débrouille maison pour ça, donc notre site internet géré par Jeannot. Notre page Facebook, auprès de l'un de nous également, sur nos pages de réseaux sociaux respectives, et puis en concert évidemment. Voilà. Donc vous avez une page Facebook, oui. Abigail the Band. Oui. Et toutes les dates de concert y figurent. Tous les événements y figurent, quelques vidéos également, quelques vidéos live. Puis voilà, tout ce qui concerne l'actualité du groupe. Vous avez enregistré un clip pour l'album ? On est en phase de réflexion, puisqu'on en parlera peut-être tout à l'heure, on va avoir la chance d'être à l'affiche de ce prestigieux festival qu'est le Rainfest. Et donc, pour promouvoir cette apparition, il était incontournable de proposer une promotion telle qu'un clip. Et donc, on est en pourparlers, en réflexion avec quelqu'un qui va s'occuper de ça. Pour quel titre pro. Très probablement Backdoor Man. Backdoor Man. Voilà. D'accord. C'est prévu. Donc c'est prévu, mais il n'y a pas de date. C'est prévu, ça sortira de toute façon avant le Rainfest. Donc ce sera dispo avant la fin de l'été. Voilà. Avant la fin de l'été. Voilà. Donc les prochains concerts, justement, on parle du Rainfest, mais il y en a d'autres avant. On écume le circuit des bars, même si ça n'est plus notre priorité. Enfin, ça ne l'a jamais été, mais bon. On s'oriente vers des scènes intéressantes, des premières parties, des festivals, tout ce qui peut être très intéressant pour le groupe. On ne néglige pas les bars concerts où c'est l'occasion de rencontrer de nouveaux fans, de rencontrer aussi les gens qui nous suivent très régulièrement. Puisqu'il faut aussi parler de tous ces gens qui se reconnaîtront, on va pas les citer, mais qui très régulièrement, quand c'est pas trop loin de chez eux, font l'effort de venir nous voir. Donc ça c'est super cool. Donc une série de concerts en bar concert d'ici fin juillet. On a pas mal de dates prévues. Pas plus tard que le 16-17 juin, on sera sur la métropole lilloise. Le 21 juin pour la fête de la musique du côté de Lens. Et puis début juillet aussi, quelques scènes extérieures également du côté de Bredune. Bon, tous ces événements sont dispo sur notre page Facebook, dans la rubrique événements. Voilà, donc pas mal de dates prévues jusque fin juillet, avant la petite pause août, où on aura l'occasion de découvrir le clip, et puis avant d'entamer le travail pour cet événement incontournable qu'est le Rainfest. On vous propose une première partie d'un groupe au choix, prestigieux ou pas. Ouh. Vous choisissez lequel ? Les amis. Ah, voilà la question. J'aurais du mal, j'ai Motorhead. Non, mais franchement, voilà, c'est Motorhead. Bah, non, ok. Bah voilà, mais bon. Moi, je pense Judas, UFO, par exemple. UFO, ça serait bien. Oui, mais mais ça c'est pas vu. Ça c'est pas. Ah bah mince, bah je suis bête alors. C'est bête. Hein. C'est genre de truc en fait. Oh, moi ouvertement, c'est pareil, j'aurais du mal aussi parce que ces derniers temps n'ont pas forcément été avantageux pour eux, mais ce serait ACDC sans conteste. ACDC avec Axel, t'en penses quoi? T'as envie de te faire... Fais gaffe. Il y a Pascal qui fulmine à mes côtés là-dessus. Tu attention à ce que tu vas dire. Tu t'es pas fait un copain. J'en pense pas grand-chose en fait. Je suis pas... Voilà, je pense qu'il arrive un moment, il faut être capable de raccrocher. Il y a l'esprit d'équipe et quand t'as un pote qui va pas bien, bah tu penses pas à le remplacer tout de suite quoi. Bon, nous on essaye avec Pascal, on n'arrive pas. Si tu veux, moi je suis arrivé, j'ai découvert ACDC avec l'album Back in Black, on avait 6-7 ans, donc c'était déjà Brian Johnson. j'ai découvert après Bon Scott, hein, tu vois, les puristes diront ouais putain ACDC c'est Bon Scott point barre. Et donc voilà, j'ai eu du mal à me mettre à Bon Scott parce que j'ai eu l'oreille qui s'est habituée à Brian Johnson et passer à nouveau sur alors il s'est bien débrouillé, hein, j'ai regardé forcément comme tous les curieux des vidéos, c'était pas mal, mais je trouve que voilà, on a du mal à lui décoller l'étiquette Guns N' Roses, on a voilà, ACDC c'est ACDC et c'est pas un hybride comme ça, voilà, donc je suis pas particulièrement conquis et convaincu par les prestations d'Axel Rose. D'accord. Qu'est-ce que vous avez écouté de bien dernièrement? Excusez-moi, mais je vois que l'interview elle touche bientôt à sa fin, donc je pose des questions autres que Abigail. Les Screaming Eagles. Les Screaming que Eagles. J'ai eu le plaisir de présenter au Bullion Rocks. Je connaissais leur deuxième album à ce jour et j'avais le premier je l'avais pas. Et je les ai vus en live, ils m'ont mis, pardon du terme, une branlée phénoménale. Classic rock avec un chanteur fabuleux qui est Chris Fry. On a super sympathisé avec. Moi, c'est tout à fait le genre de cam dont je raffole. Hein. Des Eldorado, par exemple, groupe espagnol sublime. Il y a un truc que j'aimerais bien revoir aussi, c'est Carousel Vertigo qui était passé à Rennes. Mais donc, pour répondre à ta question, moi, Screaming Eagles m'a fait. Même si l'album est sorti il y a l'année dernière à peu près. Mais ouais, ça c'est. Donc, je réécoute le premier album où il n'y a rien acheté. C'est fabuleux. C'est du pure kicking ass rock'n'roll. Luc? Ben moi, contrairement à Bébert qui découvre plein de trucs, moi je reste assez sur mes acquis, quoi. Je reste assez sur les... On est pareil. Ouais, donc j'ai... Je suis surpris, effectivement, parce que c'est quand même tous des groupes récents, en fait. Oui. Ben moi je reste sur des vieux disques, voilà. C'est vrai que je vais pas au-devant de découvertes, je découvre au moment où je les vois sur scène, éventuellement, mais c'est tout. Je suis désolé. Guillaume? Ben... Tout dernièrement, c'est un peu dans le cercle entre guillemets familial, c'est le EP de Black River Sons qui vient de sortir, que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc on les salue s'ils sont à l'écoute. Voilà, et sinon il y a un truc que j'ai redécouvert qui s'appelle The October Game. C'est un groupe britannique qui fait du rock progressif, alternatif. Et c'est super sympa et voilà, donc c'est pas du classic rock, c'est vraiment c'est beaucoup plus moderne en fait, tu vois, dans l'approche, mais voilà, j'ai redécouvert ça. Ça existe depuis un moment et ça avait arrêté il y a 4-5 ans et ils reprennent là justement. Donc voilà, The October Game, si vous avez l'occasion, jetez une oreille là-dessus. Pascal, enfin, on a des goûts très variés dans le groupe. Moi je dirais pour changer un petit peu de créneau musical dans le gros rock, un groupe comme Massisteria. Que je connais depuis 99 avec l'album Contradiction, que j'ai vu hier soir dans un festoche qui s'appelle Y'a pas le feu du côté de Cambrin, du côté de Violaine là-bas, donc c'était assez roots. Et c'est un groupe que j'ai vu une dizaine de fois sur scène. Alors voilà, on aime, on n'aime pas, mais ce groupe français de métal a une pêche énorme sur scène, dégage quelque chose sur scène, dégage quelque chose au niveau des textes, et moi ça me fait taper du pied depuis maintenant très longtemps, donc voilà, Massisteria par exemple. Très bien. On va repartir en musique avec un dernier extrait de votre album, 12 titres, je le rappelle, Electric Lady. On peut peut-être reparler, Guillaume, un peu des textes, puisque c'est toi qui les écris. Ouais. Tu es bilingue? Yes, it isn't. Yes, it isn't. Very good, very good. En fait, à la base, je suis prof d'anglais. Donc, ça m'a aidé. J'ai vécu quelques années en Angleterre. Et donc, il y a quelques années de ça, un mon copain m'appelle, puis il me dit ouais, j'ai des potes qui cherchent un parolier pour leur groupe, ils veulent que ce soit en anglais. Bon, j'avais aucune expérience de l'écriture, quoi. J'en ai toujours pas. Et donc voilà, on s'est rencontré avec Luc, on a fait quelques essais de textes. Donc on a eu en premier Backdoor Man, Pink Cadillac, The Whisperer. Puis bon, après ça s'est enchaîné. Ce que j'ai apprécié, c'est que j'avais carte blanche sur les textes, donc ils l'ont regretté a posteriori quand ils ont compris c'est les ça. Textes, hein, ce qui a pris un certain temps. Moi, je regrette pas du tout. Voilà, et puis j'ai juste eu deux commandes un petit peu plus spécifiques, donc c'était Abby et puis Hole in My Soul. Mais t'étais le parolier attitré du groupe avant de jouer alors ? J'étais, voilà, j'étais parolier attitré, oui, enfin oui et non, disons qu'il y a personne d'autre qui voulait le faire, donc voilà, je l'ai fait, mais... Bon, attitré, je sais pas, mais voilà, effectivement, ouais, j'ai... Et puis ça faisait un moment que j'essayais de rentrer dans le groupe par n'importe quel moyen, donc voilà, et puis un jour, Fabien, qui était le guitariste rythmique à l'époque, a décidé de raccrocher les gants, donc j'ai passé l'audition, et puis voilà, sur un malentendu, ça l'a fait, quoi. Eh bien, extrait de votre album Electric Lady, l'album de Abigail, on s'écoute le morceau Snakebite. You're listening to Rap the Nation. This song is a rock and roll song. You like rock and roll, don't you? Say yes! Thank you! Okay, this is called Going to Brazil. No pun intended. It's dedicated to Roger from Brazil and Eddie from Brazil and anybody from Brazil who might be in the audience. Hi. Obrigado. The rest of it is for you. One day I'll write a song going to Chile, I think. Are you ready? Say yes! Thank you. One, two, deeper! You go again, sun for a seven, look at the clouds, love the sight of heaven, choking and drinking. Les amis, on rend un énième hommage au grand, au très grand Lemmy, grâce à Bertrand de Abigail qui a ramené son live The World is Ours, le volume 1. C'est enregistré au Chili. Hein. Bah, c'est à Santiago, et tout à fait. En plus, un public de cintré. J'adore. Il y a le. Comme tu le vois sur le package, je le pends en DVD. À chaque fois que je le mets, je dis bon, j'allais, je me mets 2-3 morceaux, et puis bah, je mets mon cul dans le canapé, puis je mate le DVD complet. Parce que comme tu le dis, bon, sinon, mais je vais le faire en 10 secondes. Bah, Lemmy et Dieu, Motorhead et le rock'n'roll, point barre. Pour moi, c'est complètement subjectif. Et c'était le morceau Going to Brazil. Allez, on a le temps, vous êtes là jusqu'au bout de toute façon. Ah ben, évidemment, jusqu'au bout de la nuit. Yes. N'est-ce pas, jusqu'au bout de la nuit, allez, on a encore 40 minutes. Ton album, si tu dois choisir un album de Motorhead. Overkill, parce que Overkill en 1, Stay Clean en 2, la messe est dite. Dans les titres alors. Ouais, non, mais je veux dire, donc l'album Overkill sur la face A, puisqu'on est des vieux, on va parler en vinyle, le premier titre est Overkill, et le deuxième est Stay Clean, donc quand t'as ces deux morceaux-là qui ouvrent un album, difficile de faire mieux, je pense. Mmh. Ouais, non, mais là, bon, bah, dans ce cas-là, on en a, ouais, jusqu'au bout de la nuit, hein, si... commence à parler des grands disques. Non, mais oui, mais bon, là, je te parle en tant que fan de Motorhead, tu m'as demandé un album de Motorhead, oui, bon, après... t'as la triplette magique bien sûr avec Overkill, Bomber et Soft Spades. T'as aussi Another Perfect Day avec Brian Robertson, robot qui a mis une petite touche spéciale. Album. Bon, il se baladait en short et en godasse de tennis. Ça te rappelle peut-être quelqu'un. Et il a failli se faire casser la gueule plusieurs fois sur certains concerts. Il est mis avec le recul, regrette de pas l'avoir. Enfin, de ne pas avoir laissé faire la chose. Et puis dans les derniers, moi je trouve que les deux derniers sont fabuleux. Hein. le dernier en date, bien évidemment. Tu es fan de toutes les périodes. Ouais, parce que A4, ça le faisait aussi avec Wurzel, qui était sous-estimé, mais ça le faisait bien. Et bon, bien sûr, on a le même pendant, et là, on en a vraiment pour des heures avec Kiss, hein, puisque tout le monde va dire ouais, mais le line-up d'origine, patati patata. Donc là, t'auras forcément trois mecs, enfin les trois premiers mecs pour la majorité des personnes qui vont dire ouais, mais bon, c'est sans Fast Eddie et comment Filthy Animal, bon, c'est pas la même chose. Bon, ouais, ok, bon, voilà, avec Campbell, le Perlem et puis Mickey D, ça le fait, quoi. Bah, carrément, ça le fait. On ne peut plus d'accord. Revenons sur Abigail, s'il vous plaît. Alors, on a parlé des concerts. Vous êtes en train de plancher sur un nouvel album. Oui. Yes, vous avez interprété un nouveau titre ce jeudi, à savoir Gun Control. Contrôle du pistolet. Oui. C'est dans la même lignée ou assez varié, un peu comme l'est votre premier album. Je sais pas, j'ai du mal à parler des compos. Vas-y Pascal, Guillaume, Bébert, allez-y, parce que moi j'ai du mal à... Allez-y. Bah, c'est ce qui fait le charme d'Abigail, c'est que quand j'ai découvert il y a un an de ça, j'ai découvert tout le répertoire. C'est que tu peux pas dire, et comme tu disais tout à l'heure, tu retrouves un peu de tout, mais dégager une influence première, bonne question, j'en sais rien, c'est y a pas mal de choses. Et là c'est pareil, Gun Control est différent de ce que tu peux retrouver sur Electric Lady, et les autres morceaux qui sont, y en a déjà 4 qui sont finalisés, et ben ils se ressemblent pas, enfin je dis pas que ça part dans tous les sens, hein, loin de là. Il y a le son Abigail, ça c'est sûr, mais t'as un morceau avec une trame un petit peu orientale, entre guillemets, un petit peu notre cachemire à nous. Donc qui ressemble pas du tout à Gun Control, mais encore une fois, bon, Luc là pourra te le dire mieux que moi. Moi je reconnais le son, quoi. Ça c'est le lien, c'est le point, c'est le fil rouge. C'est vachement beau ce que je viens de dire là. Oui, c'est beau, c'est un fil rouge, c'est beau. Tu peux le garder. C'est pour ça que j'ai pas pris la parole. Que d'émotion, Jean-Michel. Merci Thierry. Le mot de la fin, mes amis. Lavabo. Bonne soirée. Non, c'est parce que je suis fan de Camoulox, c'est le cheval. Y a-t-il une question que j'aurais oublié de vous poser? A priori, je n'en vois pas. Peut-être la possibilité pour certains auditeurs de gagner remporter l'album. Oui, oui, tout à fait. Eh bien, un grand merci à vous, messieurs. Ouais, c'est un Abigail, grand plaisir. Voilà, le groupe Abigail vous propose de remporter un album Electric Lady. Au premier qui me contactera sur ma page perso, deux quelle générosité. Alors, c'est la fête. Mais un par personne. Mais un par personne. Alors, et un par foyer. Si vous voulez remporter l'album Electric Lady de Abigail, n'hésitez pas à me contacter sur MP, sur ma page perso, Bruno Iron Alford. Iron Alford avec le I et le H en majuscule, en un seul mot, s'il vous plaît. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur la page Facebook de l'émission Rock the Nations Radio Show, c'est l'intitulé. Toutes les playlists y figurent. L'émission podcast disponible dès ce soir. Et je répète, les membres de Abigail vous proposent de gagner deux albums Electric Lady. N'hésitez pas à me contacter en MP sur ma page Bruno Iron Alford. Iron Alford en un seul mot avec le I et le H, s'il vous plaît. Un grand merci, messieurs, de votre présence dans les studios de RQC. Vous êtes les bienvenus. Vous revenez quand le deuxième album sera prêt. Avec plaisir. Avec grand plaisir. À la semaine prochaine. Merci beaucoup pour ton accueil. À la semaine prochaine. Bien. On ne perd pas de temps chez Abigail. On ne perd pas de temps. Comme ça, on est dingue. On repart en musique avec le choix de Luc. Uli John Roth. Alors, Uli John Roth. Ah, Uli John Roth, pour forcément. Moi, c'est une influence majeure. J'ai mangé Tokyo Tapes en long, en large, en travers, en CD, en cassette, en vinyle. J'avais un vieux poste. La cassette, elle tournait. Je m'endormais avec. Je la retournais. Enfin, c'était. Tout ce qui est Roth, Schenker... C'est le disque d'une vie. Ouais. Le disque d'une vie. Tu as choisi extrait. C'est la dernière sortie de Uli John Roth, donc. Hein. Oui, c'est le Tokyo Tapes Revisited. Revisited Live in Japan. Yeah, Ryan. Ouais, sorti l'année dernière, où il y a un DVD et deux CD. Et donc, on va s'écouter le titre All Night Long. Oui, qui n'a rien à voir avec le morceau de Stevie Wonder. Okay. Avec Rainbow. Et avec Nathan James au chant, chanteur d'Inglorious. D'accord, très bien. Eh bien, c'est parti. Encore un grand merci, messieurs. Vous venez quand vous voulez. Merci et je vous dis à très bientôt sur une scène. Merci. Merci, ciao. Bruno. Allez, c'est parti. Uli John Roth et le titre All Night Long. You're listening, Rap Nations. Fantastique album que ce Extermination de Raven paru en 2015, dernier album pour le trio de Newcastle, et Raven avec Irax, c'est en concert ce mercredi 7 juin et c'est à Roselare au Deverlicht Guest à partir de 19h30 et c'est à ne pas louper Raven. On part en France avec le premier album de Fink auto-intitulé et extrait de cet album, on s'écoute le morceau Le Serpent. bien faite. Il faut réagir ou périr en lieu sûr, en haut et place du cœur sacré. Greffe au générateur, un peu de conscience. Fire! Angel in Black, Born Again, leur premier album Strike with Power, paru sur le label Massacre. C'était donc Born Again et c'est sorti cette année sur ce label allemand. On part en 1987 avec un morceau qui, on pourra le dire en anglais, This Track Needs No Introduction. We'll be right back. wonderful, living life afraid. I look around the corner, I might be lurking there. On to the bed at night, you're out till dawn again. Minutes sur le 95FM à l'instant, deux classiques dans le style speed trash metal. Death Angel tout d'abord, le premier album The Ultra Violence en 1987 et le morceau Kill Us One, et à l'instant Alice in Hell, premier album de Annihilator en 1989 qui s'appelle Alice in Hell, et donc ce standard sorti en 1989 sur le label Roadrunner. On part dans quelques brutalités avec le dernier album de Aggressor, sorti en 2007. On attend toujours la suite, Alex, c'est quand tu veux. L'album s'appelle Death Rate et le morceau Warrior Heart. On en redemande et ça sera la semaine prochaine. C'était le dernier titre pour aujourd'hui, Demolition Hammer, paru au printemps 1992. L'album s'appelle Epidemic of Violence sur label Century Media. Et le morceau qui clôture cet album, le fantastique et le terrifique Herbicide. Il est 17h45, ça y est, on a passé les 2 heures d'émission. En tout cas, excusez-moi encore pour ce retard et la semaine prochaine, on sera à l'heure à partir de 15h pour d'autres aventures avec un nouveau focus et un extrait de l'album du mois qui n'est autre que le John Norum Total Control. Je vous souhaite une très bonne semaine, prenez soin de vous, profitez du beau temps et à dimanche prochain. Salut !